9-3, quoi. Encore gorf la dadje, wesh, tous les mecs dadje. Moi, même mon bled dans putain de plasma LG, wesh. Six, PLT, casse à Kyrie. Ta gueule, moi ce que je dis, c'est du véridique. Encore gorf, j'suis pas un schlag. Moi, j'suis pas un schlag. Quoi, regarde ma plaque. Ah, ok, j'veux que mon son fasse du bruit comme un accident. Une patate de mes couplets, direct du Inix. C'est dans, c'est Sogo, Fiagal, le délinquant. Ils ont retrouvé mes empreintes alors j'avais des gants. Vu comme un brigand, j'ris comme un diban. Quand j'étais petit cousin, j'reste avec les grands. J'ai vite appris les plans pour qu'on fasse l'argent. Y'a que des keufs au mini blanc, j'aurais traité le sergent. Celui qui arrive pas ma voiture quand les pétés, ces gens. J'paye la moitié ce qu'ils me demandent, crois pas, j'suis tigeant. Ma gueule, j'm'en bats les couilles. Gazelle, il chante. J'connais des personnes dangereuses et intelligentes. Fils de pute, s'il flambe, je lui pétais les jambes. Pas de malheur, dernier audit, une petite pétale les jambes. De blanc coq, je suis le champion. Achète une bouteille de chance, par nos gens. Dion, sonne, ne va laver mes linges. Personne ne débloque si je me coince. Personne me donne des blocs, on me route des moinges. Personne, j'ai dit, personne, j'ai dit. Personne ne va laver mes linges. Personne me débloque si je me coince. Personne, personne, j'ai dit un spécial grâce dédié au mec de Bondy. Gros turfois, gros BMOD, gros bandit. C'est monsieur Gorf Sogo, demande à mon frère Mehdi. Personne, j'ai dit, à part ma mère que je vois prier le vendredi. J'habite en pleine cité, pas au centre-ville. J'serais pas en train de rapper, j'avais pas autant de ce vie. J'ai une grosse ville où quel cousin j'te pète ta cheville. Demande à mes potes, moi j'paye cash, rends pas ton devis. Si t'es un vrai, j'espère qu'il sera comme pas ton ce vie. Allez tous qui et vont run, ceux qui m'ont pas aidé. Arrêtez de gratter, vendre de petits béliers, ça suffit. Sonne, ne va laver mes linges. Personne me débloque si je me coince. Personne me donne des blocs, on me route des wanches. Personne, j'ai dit, personne ne va laver mes linges. Personne me débloque si je me coince. Personne me donne des blocs, on me route des wanches. Personne, j'ai dit, personne, j'ai dit.